Thank you. Blow. Thank you. Thank you.

Le fil quoi, putain, c'est l'homme ça. Jackson, sorrido. Avant de rentrer sur scène, un petit cahier. Il faisait monter son bois, car il n'avait plus de main. Il était là, son doigt était solide, il pouvait jouer de la basse avec son 11e doigt. Il n'avait plus de main, mais son doigt était là. C'était son plus gros doigt. Il jouait de la basse avec son 11e doigt. Il jouait de la basse avec son 11e doigt. Il jouait de la basse avec son 11e doigt. Il a lâché son slip. Chez le slip, finalement, jouer de la basse avec son 11e doigt. Tous les jours, il s'entraînait tout seul. Jouer de la basse avec son 11e doigt. S'entraîner. Ce doigt était solide, ce doigt était fort, ce doigt était plus fort que les autres doigts. Ce doigt était solide, ce doigt était fort, ce doigt était plus fort que les autres doigts. Il jouait de la basse avec son 11e doigt. N'avait peur de rien, n'avait peur de la basse avec son 11e doigt. N'avait peur de rien. T'es un artiste pas comme les autres, un artiste pas comme les autres. Sa tactique était telle, un os. De la basse avec, jouer de la basse, jouer de la basse, de la basse. Jouer de la basse avec, jouer de la. Thank you.